Bonjour Manu. Mince, trop tard dans la famille. Thank you. Thank you. le chalet, ouais. Là, ça va, ça marche. Enfin, ça dépend de la carte son, parce que moi, avec ma carte son, on n'arrive pas. Qu'est-ce que ça fait, là, quand je joue? Ah, j'en ai rajouté un. Stéréo 1, 2. Stéréo 3, 4. 1, 2, 1, ça marche, ouais. Après la basse. Périphérique. Input mono. Moi, je peux pas avec ma carte son. Avec ma carte son, je peux pas faire ça. Thank you.